Yeah, yeah. Les Andjus. Parfois je me dis que pour toi, je vendrai père et mère. Je me sens triste quand t'es loin de mon périmètre. Oh mon Dieu qu'elle est bonne. Mais pourquoi j'ai croqué dans la pomme? J'ai des sentiments. Je culpabilise d'être un homme, dans le fond ou dans la forme, dans tes pensées, dans ta com, noyé dans l'alcool. Je suis avec un sac à dos, un petit peu parano, je suis comme un titulaire. Peur d'être remplacé par un autre. Je manque de souffle, ouais, c'est sûrement la clope. Pour entrer, faudra défoncer la porte. T'as un balai dans les fesses ou quoi? J'aime la vie pour sa nature, j'aime pas l'être humain. Pour ses coups bas, la concu, je la vois à peine. Pour toi, je prends mon après-midi. Pour moi, tu feras ce que j'aime. Y'a pas de smiley dans mes textes. Wow, y'a qu'une tasse paix dans mes ex. Sur ma vie, personne dictera mes choix. J'mets des moufles pour compter mes amis sur mes doigts. Baisse la lumière quand j'arrive, grand écart France-Afrique. Le son de sémantique et j'me dédouble quand c'est quantique. Maladroit, j'laisse des traces là où j'passe. J'me contiens de pas te mettre le coup de grâce. Parfois j'me dis que pour toi, j'vendrai père et mère. Loin de mon périmètre. Parfois je me dis que pour toi, je vendrai père et mère. Je me sens triste quand t'es loin de mon périmètre. Parfois je me dis que pour toi, je vendrai père et mère. Bonheur intérimaire, j'attendrai pas l'hiver. Toi je remuerai ciel et terre et je me sens triste. Je me sens triste quand t'es loin de mon périmètre. Laisse-moi prendre l'air, main de fer dans un gant de verre. Ma babe veut encore me plaire. Parfois je me dis que pour toi, je vendrai père et mère. Je me sens triste quand t'es loin de mon périmètre. Parfois je me dis que pour toi, je vendrai père et mère. Je me sens triste quand t'es loin de mon périmètre. Parfois je me dis pourquoi, loin de mon périmètre. Loin de mon périmètre. Périmètre. Je suis qu'un marionnette triste. Je me sens triste quand t'es loin de mon périmètre. Loin de mon périmètre.